L'âne vêtu de la peau du lion. Fable numéro 21 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'âne vêtu de la peau du lion. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu, était craint partout à la ronde. Et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Force gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier fait les trois quarts de leur vaillance. Fin de L'âne vêtu de la peau du lion. Fable numéro 21, livre 5e des Fables de La Fontaine. Fin du livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.